je suis revenu, je sais pas, en mentant. C'est la première fois que j'écoute Ninja depuis mon lit. Ma position de coucher était très mauvaise. Paul Saki, oh my god. Je disais, c'est la première fois que j'écoute Ninja depuis le dodo. Je dis, je suis dans mon fauteuil et tout. Sauf que là, putain, ça tourne la tête. Cliché, ça veut dire quoi cliché?